هالنهدى للعين يوم السعيد، هالنهدى للعين يوم السعيد. عطية من الله، عطية من الله، الله المجيد. هالنهدى للعين يوم السعيد، هالنهدى للعين يوم السعيد. عطية من الله، عطية من الله، الله المجيد. C'est une fête pour les musulmans qui nous déclare la fin de Ramadan. C'est la fête. Ils ont vêtu une djellaba pour les filles de beaux caftans. Aïd, aïd, aïd, ouajmel aïd. Aïd, aïd, aïd, je vous souhaite un joyeux aïd. Aïd, aïd, aïd, mbrouk alaykoum l'aïd. Aïd, aïd, aïd, c'est notre plus beau aïd. المغرب وطننا نهني والمسلمين ونقول لأمير المؤمنين عيدك سعيد يا ملكنا. من المغرب وطننا نهني والمسلمين ونقول لأمير المؤمنين عيدك سعيد يا سيدنا. La zakat, c'est nécessaire. Tous les enfants aient de l'argent pour fêter cette occasion. Ils mangent des cadeaux, deviennent heureux. Tous les musulmans sont généreux. Aïd, aïd, aïd, ouajmel aïd. Aïd, aïd, je vous souhaite un joyeux aïd. Aïd, aïd, aïd, ouajmel aïd. Notre plus beau aïe. بعدما صمنا قمنا وصلينا ودعونا الله رب العالمين. بعدما صمنا قمنا وصلينا ودعونا الله رب العالمين. Des plus munis, des démunis, toute la famille devient unie. Regardons la joie dans les yeux de tous ces enfants très heureux. Tous les musulmans, je vous souhaite un joyeux Aïd. Que la joie règne dans chaque demeure et encore une fois, mabrouk l'Aïd. Aïd, aïd, aïd, mabrouk alina l'Aïd. Aïd, aïd, aïd, je vous souhaite un joyeux Aïd. مبروك عليكم العيد. C'est notre plus beau عيد. أطفالنا لابسين جديد فرحانين بيوم العيد ونصلي صلاة العيد لله الغني الحميد. أطفالنا لابسين جديد فرحانين بيوم العيد ونصلي وصلاة العيد لله الغني الحميد.